أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن أهل السنة وطريقة الحق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها أصحابه والذين علموا غيرهم جيل عن جيل، توارث المسلمون هذا جيل عن جيل حتى وصل إلينا بسند المتصل. الدين ليس رأي فلان وفلان، هو اتباع الحق، اتباع الشرع، اتباع الوسط، والوسط يعني اتباع الدليل الشرعي وليس اتباع الهوى. واعطينا تفصيل في ذلك. أهل السنة هم الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والأحكام، هذا هكذا هذا معنى أهل السنة، ليس أي واحد يسمي روحه أهل السنة، هكذا الذين يتبعون النبي في العقيدة والأحكام، في عقيدة التنزيه هي عقيدة التوحيد، عقيدة كل الأنبياء أن الله ليس كمثله شيء، خالق لكل شيء ولا يحتاج إلى شيء، ويحلون ما حل الله ويحرمون ما حرم الله. ومن جملة يعني أشياء اللي هي معتبرة عند أهل السنة، وهذا شيء يعني نعرفه يعني في كل بلاد المسلمين، أنه يعني يحيون ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء معروف عند المسلمين يعني من مئات السنين. لماذا يفعلون ذلك؟ هذا يعني شكر لله سبحانه وتعالى. ما هو المولد؟ هو شكر الله سبحانه وتعالى لأرسل النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. من المستحب أليس كل يوم تقول جزى الله محمدا عنا خيرا، هذا عندك أجر كبير، تقول هذا الذكر جزى الله محمدا عنا خيرا. الله تعالى يعني جعل النبي سبب لهداية الناس، جعل الأنبياء سبب، وفرض علينا تعظيم الأنبياء، تعظيم الملائكة، مع أنه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى يعني هذه المخلوقات بعضها يعني أعطاها درجة عالية، وهي الأنبياء الملائكة والصالحون، وبعض المخلوقات الله تعالى أعطاها درجة يعني أعطاها مش درجة يعني لكن أعطاها لا يعني ليس لها قيمة، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يعني ليس كل مخلوقات نفس القيمة نفس الدرجة. طبعا الدرجة تكون هي عند الله بالخشية لله سبحانه وتعالى، والنبي أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، والأنبياء أفضل الخلق وأفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتاد المسلمون إحياء هذه الذكرى لشكر الله سبحانه وتعالى. هو إذا إنسان يولد له مولود مستحب تعمل العقيقة، مع أنه الولد هذا قد يصير من بعد فاسد الله أعلم، لكن مستحب لأنه نعمة، ليس للولد ذكر تذبح خروفين مستحب وأنثى يعني خروف تتصدق كذا، هذا مستحب، تشكر الله على نعمه، وأفضل نعمة هي نعمة الإيمان. ومن جعله الله سبب لهداية وتبليغ هذه الرسالة هو الأنبياء وأخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون يحون الذكرى هذه ويذكرون ما حصل من في مبدأ أمره عليه الصلاة والسلام. ثم فرصة تحكي عن صفات الأنبياء إلى غير ذلك والعقيدة. نحن نقيم حفل إن شاء الله 17-18 كل سنة نفعل احتفاء، وكل احتفال إن شاء الله في ناس تدخل الإسلام، يعني لأنه هي فرصة. ماذا نفعل؟ نتكلم عن الدين وعقيدة الإسلامية من الصباح للمساء. والله قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Donc on a parlé de la voie sunnite, on a expliqué la voie des compagnons, c'est la voie, c'est ceux qui suivent le prophète dans la croyance et dans les lois, la croyance en l'unicité de Dieu qui ne ressemble pas à ses créatures, qui a créé l'espace, le temps, et c'est la croyance de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Mohammed, alayhi salatu wassalam. L'islam c'est la religion des prophètes, c'est juste les lois qui changent. Et les prophètes sont les meilleurs des créatures. Ils sont intelligents, honnêtes, véridiques, chastes, éloquents. Et le meilleur, c'est Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et donc, on voit bien que les créatures, Dieu ne leur a pas donné le même degré. C'est selon le pratique, selon la crainte, et le meilleur, c'est Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Il a fait des créatures, soit, comme c'est dit dans le Coran, c'est, la mécréance fait que c'est le pire des états. Donc, selon le degré de la personne, elle a la valeur. Donc, et ainsi, le musulman, pour remercier Dieu du bienfait de l'envoi du prophète, ils sont habitués dans tous les pays musulmans et commémorent le Maulid, la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi ? C'est pour remercier Dieu, pour remercier Dieu du bienfait que Dieu a envoyé le prophète. Donc, remercier Dieu. N'est-ce pas que le musulman, il a un nouveau-né, il est recommandé d'égorger. Il va égorger 2 moutons pour le garçon et 1 mouton pour une fille. Et alors qu'il se peut que ce garçon, il devient un mauvais après. Mais c'est un bienfait de Dieu, tu as l'enfant, tu remercies Dieu. Et le meilleur bienfait, c'est l'islam. Et Dieu a fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, soit la cause pour nous transmettre cela. Et d'ailleurs, c'est recommandé de dire tous les jours à une évocation qui donne beaucoup de récompenses, qui est Jazallah Muhammadan anna khayra. Ça donne beaucoup de récompenses. Il dit Jazallah Muhammadan anna khayra. Ça veut dire que Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire Dieu rétribue, que Dieu rétribue en bien Muhammad pour ce qu'il nous a fait. Donc ça, c'est sunnah de dire tous les jours Jazallah Muhammadan anna khayra. Et t'as beaucoup, beaucoup de récompenses. Donc Dieu, il nous a ordonné de glorifier ces créatures-là, les prophètes, les anges. Et les meilleurs, c'est les prophètes. Donc c'est pour ça, les musulmans, ils sont unanimes dans les pays musulmans. Ils commémorent cela pour remercier Dieu. Et c'est l'occasion de parler des prophètes, comme nous. Donc là, chaque année, on fait la grande fête, le 17-18. Donc c'est important. C'est pas pour rien. On l'a fait parce que c'est l'occasion, les gens, ils vont se rapprocher plus du prophète, de l'amour du prophète. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose de psychologique. Quand on parle de quelqu'un, souvent, les gens, ils vont s'attacher à cette personne. Comme les gens qui voient la télé, beaucoup de gens, ils s'attachent. Alors que c'est des gens inconnus, et puis à force d'en parler, les gens en parlent, mais les gens, ils s'attachent. Et donc, c'est l'occasion que les gens s'attachent au prophète. Et, alhamdoulilah, dans notre fête, à chaque fois, des gens, ils se rentrent en islam. Parce que on parle quoi du matin au soir? On parle du prophète, de la croyance musulmane. Et Dieu dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est-à-dire vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc c'est la voie des prophètes. Qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes? C'était quoi leur mission obligatoire sur eux? Ma hiya wadhifat al-anbiya fard 'alayhim. Yad'u an-nas ila at-tariq al-haq. C'est appeler les gens à suivre la voie de vérité. C'était une mission obligatoire sur eux. Donc, nous, on fait comme ça. On suit la voie des prophètes. Donc, cette fête-là, c'est l'occasion. Les gens, ils invitent leur connaissance, leur entourage, pour qu'ils s'attachent plus à l'islam. ça attache plus la personne à l'islam. Il y en a commencé, en venant à la fête, il y en a des gens, ils ont commencé à prier, etc. Quand ils ont vu les musulmans réunis sur le bien, et ça les a attachés plus à suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il nous ordonne de pratiquer la religion. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à inviter les gens que vous connaissez. Donc, il y a l'adresse, il y a les invitations qu'on a fait, et l'entrée est gratuite. الإنسان يستدعي الناس وأقاربه ليعرفهم كما قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في ناس يعني ما يجيش المسجد ما تقول له إجا احتفال ويسمع الدين ولا يحب الدين أكثر. Donc comme le Coran nous dit d'appeler يعني à la religion avec sagesse. Et il y a des gens ils ne vont pas venir dans une mosquée, mais si tu dis qu'il y a une fête, viens. Et là, ils vont s'attacher plus à la religion à travers une fête musulmane. Il va apprendre des choses. Donc, ce n'est pas quelque chose de vide. C'est riche en contenu. C'est-à-dire des choses qui sont conformes à la religion. Donc, que ce soit réciter le Coran, parler de Dieu, des prophètes, faire l'éloge, et tout ça c'est connu dans la religion qu'à l'époque du prophète il y avait le poète Hassan al-Thabit qui faisait l'éloge du prophète en poésie. Hassan al-Thabit كان يمدح النبي بالشعر وكان هذا معروف. Donc هذه الأشياء كلها معروفة, هذا الشيء كله معروف عند المسلمين. Tout ça c'est des choses connues chez les musulmans bien sûr. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.